Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Le Cerf Blanc, le 4e épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute! Moins de 10 minutes après avoir quitté la maison de mamie, j'avais la désagréable impression qu'on était perdu en pleine forêt. Devant moi, Arthur se frayait un chemin à travers les branchages. Derrière, Iliès soupirait à intervalles réguliers. Arthur, t'es sûr de savoir où est cette cascade ? Mais oui, Lana, je l'ai lu dans le carnet de Papistoire. Mais il est rempli de vieilles légendes, non ? Oui, il parle de plein d'endroits que j'ai jamais vus. C'est bien ce qui me semblait. T'inquiète, je connais cette forêt comme ma poche. Et tu n'as jamais vu cette cascade avant ? La nature est pleine de surprises. J'allais lui faire remarquer qu'une cascade ne se dissimulait pas si facilement lorsqu'on tomba sur un petit chemin de terre. Ah ! Voilà le chemin dont Papistoire parlait. Après quelques pas, on s'arrêta devant une intersection. 3 chemins s'offraient à nous. Alors, si je me souviens bien, il faut aller à gauche. À moins que ce soit à droite. Un cri d'une tristesse infinie nous fit tous sursauter. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais entendu une chose pareille. En tout cas, ça a besoin d'aide. Allez, venez ! Je fonçais à travers les arbres sans réfléchir. Au loin, une ombre gigantesque se détacha entre les fourrés. Mon cœur s'arrêta net, et moi avec. Les garçons me percutèrent en grognant. « Ça va pas t'arrêter comme ça ?» L'ombre bougea et lâcha un nouveau cri qui me fit frissonner. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Peut-être qu'on... Arthur, attends !» Mais trop tard. Tel un Sioux suivant une piste, il rampait déjà en direction de l'animal. Iliès souffla. Impossible pour nous de laisser notre copain seul face à cette chose grognante. Alors on l'imita. Arthur s'arrêta derrière un gros buisson, la bouche grande ouverte. L'ombre était un cerf dont la splendeur n'avait d'égal que la blancheur de son pelage et de ses bois. Incroyable ! Il existe vraiment ! Ne me dis pas que c'est une bête légendaire ! Mais si ! C'est le cerf blanc ! On dit qu'il est aussi vieux que cette forêt et que celui qui touche ses bois verra l'un de ses vœux exaucé. Oh, il a une patte prise dans un piège. Il faut l'aider. D'accord, mais restons prudents. Hein. Mon cousin avait raison. C'était un animal sauvage et blessé. Je me relevais tout doucement, puis je m'avançais lentement, la main tendue, mon regard plongé dans celui du cerf pour qu'il comprenne qu'on ne lui voulait pas de mal. Le cerf ne broncha pas, puis cligna des yeux et inclina la tête. Avec toute la délicatesse dont j'étais capable, je lui caressai la tête. Malgré sa blessure, je le sentis se détendre. Je fis signe à Arthur et Iliès de me rejoindre, doucement. « Il est si doux ! On a tellement de chance de le voir !»« Continuez de le caresser, je m'occupe de son piège !» Une grande mâchoire en acier se refermait sur sa patte. En cherchant une solution, je vis une branche de chêne qui gisait par terre. Ni une ni deux, je la glissai entre les dents du traquenard. En usant de toutes mes forces, j'appuyai dessus pour faire levier. La mâchoire s'ouvrit légèrement. Iliès me prêta main forte. Sous notre poids, la branche émit un crack inquiétant. Aussitôt, Iliès en attrapa une autre et s'en servit pour renforcer la première. On continua de forcer quelques secondes et puis... « C'est bon !» Il a retiré sa patte. J'en reviens pas qu'on ait réussi. On est trop fort. Attendez, écoutez. Mais puisque je te dis que le cri venait de là, notre piège a fonctionné. Ouais, je sais pas. On n'a jamais rien attrapé dans le coin. Cette fois, c'est la bonne. Parole d'Igor. Il faut qu'on parte tout de suite. On va pas laisser le cerf. Bien sûr que non, on l'emmène. Avec sa patte blessée, l'animal boitait et avait toutes les peines du monde à se déplacer. Et ce n'étaient pas 3 gringalets comme nous qui allions lui être d'une grande aide. Les chasseurs vont vite nous rattraper à ce rythme. Il y a un tas de branches et de feuilles là-bas. Parfait, on devrait pouvoir tous s'y cacher. Comme s'il m'avait compris, le cerf ignora la douleur et accéléra le pas. Le pauvre eut toutes les peines à s'asseoir. En deux temps trois mouvements, il disparut sous un amas de branches et de feuilles. On avait laissé juste assez d'espace pour se faufiler tous les trois. Et là, collés aux serres, on entendit les deux horribles chasseurs s'approcher du piège. Oh, c'est quand même pas croyable ça, y a plus rien. Je te l'avais bien dit qu'on serait bredouille. Ouvre tes mirettes, Nigo. Y a des traces de sabots et de sang. L'animal a été assez futé pour se libérer. Mais pas tout seul, triple andouille. Y a des traces de pas à côté. Ils étaient trois. Oh, les saligots, ils nous ont volé notre gibier. Pas pour longtemps. Ils vont le regretter. Parole d'Igor. On n'osa pas bouger. Impuissant, on entendit leurs pas lourdaux s'approcher. Il ne restait plus qu'à prier pour que notre cachette ne soit pas découverte. Un cliquetis de fusil que l'on arme nous glaça le sang. Dis voir, ce serait pas des bois de serre qui dépassent de ce fatras de feuilles et de branchage? Oh, impossible! C'est un cerf, je te rappelle, et les cerfs, oh, ça c'est pour faire ça. Tu me fatigues, tu sais ça? On l'a aidé! Les poils me chatouillent le nez. J'ai envie d'Atsume. Ah non, moi, retiens-toi! Trop tard. Dans un vacarme à réveiller les morts, Arthur éternua. Ahuri par le bruit, les deux chasseurs regardèrent le buisson, la bouche ouverte. Le cerf se redressa d'un bond. D'un coup de tête, il nous fit signe de grimper avant de filer à travers la forêt à une vitesse folle. Malheureusement, sa blessure se rappela à lui et il dut ralentir le pas. Loin derrière nous, on entendait les hurlements des deux chasseurs se rapprocher. « Regardez, là-bas, c'est le sentier qui mène chez mamie !» Dans un ultime effort, le cerf s'élança, bondit par-dessus la clôture et s'écrasa, nous projetant quelques mètres plus loin. Le temps qu'on retrouve nos esprits, les deux affreux étaient déjà en train d'escalader la clôture. « C'est fini, les morveux! Vous allez nous donner ce cerf bien gentiment !»« Ou sinon, on va vous le faire regretter !» Vous ne ferez rien du tout. Madame la directrice? Oh, arrêtez de m'appeler comme ça. Ça fait bien longtemps que je suis à la retraite. Vous n'avez pas reçu assez de punitions à l'école pour comprendre qu'il ne faut pas s'en prendre à plus faible que soi? Sauf votre respect, madame la... Madame, on fait que chasser. Pas dans mon jardin. Mais le cerf, c'est nous qu'on l'a piégé. Et visiblement, il a réussi à se sauver. Sauf votre respect, c'est les enfants qui l'ont aidé. Et maintenant, il est chez moi. Et alors, il est à nous, non? Oh que non, il est sous ma protection. Et d'ailleurs, je m'en vais dire à votre pauvre vieille maman comment vous entrez chez les gens sans leur permission. Faites pas ça, madame. Alors, décarpissez! Les deux dadais ne demandèrent pas le reste et partirent en courant. Mamie trotta jusqu'à la maison et revint avec une trousse de premiers secours. En la voyant désinfecter la plaie du cerf, Arthur eut la meilleure idée du monde. Confectionner la potion de soin que nous avait apprise Madame Flavour, une herboriste un peu zinzin que l'on avait rencontrée dans la forêt l'été dernier. Organisé comme il est, Iliès l'avait conservé. Pétales de rose, racines de pissenlit, pignons de pin, bave d'escargot et de crapaud, on se démena comme des fous pour trouver ce qu'il fallait. Après avoir appliqué la mixture sur la plaie, on décida de dormir tous les trois avec lui. Le lendemain matin, les chants des oiseaux nous réveillèrent. Le cerf se tenait debout. Il nous observait de toute sa hauteur, la patte guérie, le regard pétillant de gratitude. Il s'inclina comme pour nous remercier. Arthur tendit la main et effleura ses bois du bout des doigts. L'animal nous jeta un dernier regard et d'un coup de museau fit coulisser la porte du garage avant de disparaître dans la forêt. J'ai du mal à croire ce qu'on vient de vivre. On a sauvé une créature légendaire. T'as fait un vœu en touchant ces bois? Même pas, j'ai oublié. Tu n'as même pas pensé à un truc, à des cookies. J'avais une faim de loup. C'est quoi cette odeur? On dirait... Oh, des cookies! Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.